Les éditions de l'Avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Vanhereux. Cycle 1, la troisième force. Les fascicules allemands numéro 10 et 11, écrits par K.H. Scheer et Kurt Mahr, parus en 1961, apparaissent dans le volume français numéro 5, Les vainqueurs de Vega, paru chez Fleuve Noir en 1966. Première partie, invasion reptilienne. En mai 1975, le général Leslie Ponder visite Galactopolis, la ville créée dans le désert de Gobi, pour négocier l'achat de moteurs supraluminiques. Il est accueilli par le colonel Michael Fritt, qui lui laisse peu d'espoir. Reginald Bull doit le recevoir avec Homer G. Adams, mais une alerte les en empêche. Des distorsions sont localisées dans le secteur de Vega. Crest est certain que ce sont des vaisseaux arcanides à la recherche de la planète de Jouvence et demande à s'y rendre. Perry Rodden commence par refuser au nom de la sécurité de la Terre, puis décide finalement de partir avec la chaloupe. La Bonne Espérance arrive dans le système de la Géante Bleue. Les détecteurs sonnent l'alerte. Rodden arrive en pleine bataille spatiale au niveau de la 14e planète. Des nefs ovoïdes en surnombre, mais sans écran protecteur, sont décimés par d'autres nefs en forme de crayon, coupés par une sphère centrale. Les agresseurs sont identifiés par Crest. Ce sont des Topsides, une race de reptiles s'étant révoltée contre les Arconides. Rodden récupère un naufragé du peuple des Féroliens, originaire de Férol, Vega 8, et décide de faire passer les Terriens pour des Arconides. Le rescapé est interrogé par Crest. Rodden décide de le déposer sur Rufus, Vega 9. La Bonne Espérance arrive en pleine bataille. La chaloupe éclaircit les rangs des Topsides, mais un croiseur de bataille de 800 mètres de diamètre l'attaque et manque de la détruire avant de s'en prendre aux Féroliens. La chaloupe arrive péniblement à gagner Rufus, ses hyperpropulseurs détruits. Rodden décide alors de s'emparer du croiseur. Le Tort, le chef des Féroliens venus de Férol, accepte que les soi-disant Arconides viennent inspecter un de leurs mystérieux transmetteurs de matière. Deuxième partie, le croiseur d'Arconis. La Bonne Espérance traverse péniblement le grand désert de Rufus jusqu'à la base secrète des Féroliens, dont le Tort a remis le commandement à Perry Rodden. Rodden envoie ses deux chasseurs en mission d'observation sur Férol. Ils croisent un navire topside qu'ils arrivent à détruire. Ils attaquent ensuite des vaisseaux topsides sur l'astroport de Torta, la capitale, mais un des chasseurs est touché. L'autre regagne Rufus, tandis que Conrad Deringhouse s'éjecte au-dessus des montagnes, son appareil s'écrase. Un commando terrien se rend sur Férol, où il est accueilli par le peuple des Sichas, très coopératif. Ensemble, ils attaquent une patrouille topside. De son côté, Daring House tombe sur un groupe de résistants et décide de se rendre à Torta. Les Topsides commencent à bombarder Rufus. Les Terriens cherchent à s'emparer du transmetteur du Palais Rouge, le siège du gouvernement, mais il est trop bien gardé. Ils se rabattent sur un petit transmetteur désaffecté qu'ils installent dans une cave. Daring House, ayant pénétré dans le Palais Rouge déguisé en végan, tombe nez à nez avec Takukakuta au 38e étage. Le mutant japonais prend le contrôle du grand amiral Topside, Shrek Thorn, avec un radiant psy, puis fait venir Rodden, qui persuade Shrek Thorn de faire débarquer l'équipage. Le commandant Topside du croiseur, Tracker Han, s'inquiète de cette décision. Rodden contraint Shrek Thorn à l'emmener au spatioport malgré une intervention de Tracker Han. Les Topsides s'organisent enfin, mais ne parviennent pas à empêcher le commando terrien de monter dans le croiseur. À son bord, il se réfugie sur Rufus. Rodden repousse la flotte Topside venue de Ferrol. Après avoir aménagé une cache sur Eridul, un satellite de la 28e planète du système, il plonge dans l'hyperespace, direction la Terre. Les fascicules allemands numéro 12 et 13, écrits par Clark Dalton et K.A. Scheer, parus en 1961, apparaissent dans le volume français numéro 6, La forteresse des Silunes, paru chez Fleuve Noir en 1967. Première partie, les libérateurs de Ferrol. Le croiseur volé au Topside, rebaptisé Astrée 2, rejoint le système solaire en juillet 1975. Des spécialistes, des soldats, du matériel et des mutants sont embarqués et le croiseur repart. Quand l'Astrée 2 arrive dans le système de Vega, plusieurs chasseurs lancent une attaque de diversion. John Marshall et Frank M. Haggard, restés dans la base d'Eridul, regagnent le croiseur. Le mutant informe Perry Rodden que le Tort pense aux constructeurs des transmetteurs de matière comme aux êtres qui vivent plus longtemps que le Soleil. L'Astrée 2 se pose discrètement sur Rufus et Rodden va voir le Tort. Lors d'une conférence au sommet chez les Topsides, les mutants sèment la pagaille. Une flotte Topside attaque Rufus, mais ils finissent par se retirer suite à l'action des mutants. Lors d'une autre rencontre avec l'amiral Rockgore, les mutants sèment aussi la confusion. Les Terriens sont informés par l'Ossochère, le plus grand savant de Ferrol, que les plans des transmetteurs se trouvent dans une crypte sous le Palais Rouge. Il y a 10 ou 12 000 ans, une sphère atterrit sur Ferrol. Plus tard, un astronef fit naufrage dans les montagnes d'Essichas. En remerciement de leur aide, ils offrirent les transmetteurs. Ils disaient venir de Vega 10, mais rien n'y a jamais été trouvé. Rodden tente de trouver les plans, mais il ne trouve pas l'accès à la crypte. Quand la commission d'enquête arrive, les mutants sèment à nouveau la zizanie. Rod Gore tue le commissaire avant d'être abattu par les gardes. Strayhorn, rétabli dans son rôle, donne l'ordre d'évacuer Ferrol. Les Topsides se replient sur Vega 40 qui possède 6 lunes. Une fois Ferrol libéré, Rodden obtient une base près de Sic-Horum, la capitale des Sichas. Grâce au pouvoir des mutants, il parvient à accéder dans la crypte et s'empare d'une cassette située dans un plan temporel différent. La cassette contient les plans des transmetteurs ainsi que des indices sur la planète de Jouvence. Deuxième partie. Rodan de Capella 5. Trois chasseurs en patrouille du côté de Vega 36 sont attaqués par des Topsides. Un pilote est tué et Conrad Daringhouse gravement blessé. La chaloupe C7, d'où sont partis les chasseurs, revient sur Ferrol où Rodden veut établir des accords commerciaux. Tora reproche à Rodden de ne pas les ramener sur Arconis maintenant qu'il a un croiseur. Mais le Terrien veut d'abord régler le problème des Topsides. Perry Rodden a développé un plan pour s'en débarrasser à jamais. Des coordonnées galactiques sont enregistrées sur une bande magnétique qu'il fait vérifier par Crest. Une mise en scène soigneusement préparée fait croire qu'un traître a tenté de s'en emparer avant d'être abattu. Shaktor, officier de liaison du Tort, récupère la capsule. Un officier Topside, gardé en captivité, Shrentok, est amené à croire que les alliés des Ferroliens sont originaires du système de Capella. Shaktor l'aide à s'évader et lui dit qu'il a les coordonnées de ce système. Ils partent avec un torpilleur pour Vega 40. Pour renforcer l'illusion, le major Rod Nissen envoie depuis la C7 un message censé venir de Capella. L'Astrée 2 attaque les bases Topsides, mais s'arrange pour laisser passer Shaktor. Les Topsides s'emparent de la capsule après avoir tué le second de Shaktor après interrogatoire. Influencés par les mutants, les Topsides quittent Vega avec toute leur flotte et plonge à destination du système de Capella. Crest révèle alors que les coordonnées ont été modifiées par lui et qu'ils vont se rematérialiser en plein milieu du Soleil. Les fascicules allemands numéro 14 et 15, écrits par Clark Dalton, paru en 1961, apparaissent dans le volume français numéro 7, « La quête cosmique », paru chez Fleuve Noir en 1967. Première partie. L'intelligence la plus haute. L'Astrée 2 réalise une cartographie détaillée du système de Vega. Le savant Végan Lossocher a fait observer à Perry Rodden la grande distance qui sépare deux planètes. D'autre part, des rapports arconides relèvent la présence de 43 planètes. Or, il n'y en a plus que 42. Rodden soupçonne que la planète manquante est celle des immortels et qu'ils l'ont déplacée. Lossocher suppose qu'elle pourrait encore se trouver dans le système de Vega. Sceptique, Rodden donne néanmoins aux Végans les moyens de vérifier sa supposition. Le sergent Groll pilotera le savant à bord d'un chasseur spatial. À Torta, Rodden et son équipe retournent dans la crypte du Palais Rouge. Plusieurs épreuves les attendent, qui mènent à la découverte de transmetteurs fictifs, appareils dont le principe théorique est connu des Arconides. Il est capable de transférer la matière sans station réceptrice. Ils sont projetés dans une salle étrangère. Sur Vega 13B, Lossocher montre à Groll sa découverte, une pyramide portant des inscriptions dans la langue des immortels. Groll doit affronter un Topside qui l'abat. Le Terrien décide de rentrer sur Ferrol pour amener les photos de la pyramide et relater cette découverte. Rodden et son équipe se rematérialisent à Torta. 5 minutes seulement s'y sont écoulées, alors qu'ils ont passé 4 heures dans la salle étrangère. Une sphère lumineuse apparaît. Seul Rodden parvient à en arracher une capsule métallique. Elle contient un message codé, dont la traduction demandera plusieurs jours au cerveau P de l'Astrée 2. Groll et le Sauchère se présentent avec leur sensationnelle découverte. Le cerveau décode sans peine les symboles écrits sur la pyramide. Toute l'installation des immortels est une fausse piste. Deuxième partie, au temps de l'apogée du Grand Empire. Une première partie du message des immortels est décodée. Les Terriens doivent rechercher le premier individu qui a relevé la piste de l'immortalité. Ils savent déjà qu'il s'agit d'un Arcanide qui naviguait dans le secteur il y a environ 10 000 ans. Rodden décide de rentrer sur Terre et de poser la question au cerveau P de Vénus. Il apprend que c'est le commandant Carlon qui, il y a 9985 ans, a obtenu sur Ferrol des informations sur les immortels. Il a aussi, plus tard, colonisé Vénus et la Terre, ainsi que construit la base sur Vénus. L'Astrée 2 revient sur Ferrol. Rodden attire l'attention de ses compagnons sur un élément de la formulation du message. Il suggère qu'il n'existerait qu'un seul immortel. Il découvre cette fois dans la crypte du Palais Rouge un convertisseur temporel. Cet appareil emmène Rodden et son groupe dans le passé de Ferrol, alors à un stade médiéval. Ils arrivent en pleine bataille. La situation du Tort le Sûr est en effet désespérée. Son château fort est sur le point de tomber. L'arrivée des Terriens par la crypte sacrée met les Végans en émoi. Ils les prennent pour des dieux venus à leur aide. Pour assurer leur séjour à la recherche de Carlon, Rodden décide de défendre le château de l'Essure. La technologie arcanide et l'action des mutants mettent en fuite les troupes du Tort rival, Gagat, épouvanté par ce déploiement de forces magiques. 3 jours plus tard, 3 astronefs arcanides atterrissent. Carlon est à la recherche d'un peuple qui connaît le secret de l'immortalité. Il a découvert sur Ferrol un rouleau de métal dans une pyramide. Crest marche à sa rencontre. Il se fait passer pour un commandant arcanide. Alors que Crest regagne le château, Carlon décide de décoller. Dans la précipitation du départ, alors que les forces de Gagat attaquent, il perd son cylindre métallique et Ras Jubai vient le lui dérober. Le temps imparti par l'immortel est presque écoulé. Rodden et son groupe retournent dans la crypte alors que le château de l'Usure est à nouveau menacé par Gagat. Ils regagnent le présent où Tora leur apprend qu'une demi-heure seulement s'est écoulée depuis leur départ. Le cylindre de métal s'ouvre et délivre un message annonçant que l'espace va trembler. Les fascicules allemands numéro 16 et 17, écrits par Krautmar, parus en 1961, apparaissent dans le volume français numéro 8, Les glaces de Gaulle, paru chez Fleuve Noir en 1967. Première partie, La planète des Goules. De violents ébranlements de structures sont détectés dans le secteur de la planète géante Vega 14. Simultanément, le rouleau de métal dérobé à Carlon dans le passé de Ferrol se désintègre en émettant un message. Thank you. l'Astrée 2 apparaît pour Vega 14, une planète à la pesanteur énorme, 916 g. Reginald Bull la baptise Gol. Alors qu'une curieuse modulation s'inscrit sur le détecteur de structure, les écrans protecteurs subissent une inexplicable défaillance passagère. L'Astrée 2 se pose alors que la modulation se répète, évoquant un message. Perry Rodden, le major Conrad Deringhouse et le mutant Tanaka Seko sortent à bord d'un char vers le point d'émission du message, une chaîne montagneuse. Ils sont confrontés à des créatures énergétiques baptisées Ghouls qui s'en prennent aussi à l'Astrée 2. Rodden lance une nouvelle expédition avec 3 chars lourdement armés. Dans une plaine, ils se heurtent à d'innombrables Ghouls. À bord de l'Astrée 2, les générateurs s'épuisent et les neutralisateurs de gravité faiblissent. Les 3 chars de Rodden traversent la plaine et sont brutalement attaqués par les Ghouls. Les neutralisateurs anti-G cèdent peu à peu. Rodden fait alors ouvrir le feu de toutes les armes et les Ghouls délaissent les anti-G pour les rayons énergétiques. Rassasiés par les faisceaux d'énergie, elles laissent un répit à l'expédition. Les 3 chars atteignent enfin la montagne. Le commando décide de continuer à pied. Ils luttent contre l'environnement hostile et arrivent face à une porte qui s'ouvre dans une falaise. Anne Sloan déclenche l'ouverture de la porte. Le commando découvre un transmetteur fictif qu'Anne Sloan active par télékinésie. Sous l'action du transmetteur fictif, les hommes et les chars sont renvoyés à bord de l'Astrée 2 et le vaisseau est transporté dans une région inconnue de l'espace. Deuxième partie, les mulots de Perdita. L'Astrée 2 est arrivée dans une région inconnue de l'espace qui se révèle vite être une illusion. À peu de distance se situe une étoile géante rouge autour de laquelle orbite une unique planète du type de Mars, baptisée Perdita. Le vaisseau s'y pose. Les terriens subissent des manifestations de la part de télékinésistes inconnus. La nuit, une sentinelle repère un troupeau d'animaux au corps et à la queue de castor et à la tête de mulot. Filmer Lloyd, le mutant détecteur d'ondes cérébrales, ne trouve chez eux aucune intelligence. Une violente explosion balaie la tente de Rodden sans toutefois faire de victimes. Au cours d'une reconnaissance, Rodden et Conrad Deringhouse rencontre une sphère volante. Elle les jette au sol au moyen d'un champ giratoire. Puis disparaît. De retour au camp, Rodden apprend que Lloyd est parti en reconnaissance de son propre chef. Les secours retrouvent l'épave de sa gravibule, abattue par une arme thermique. Lloyd est ramené par des sentinelles. Il braque sur Rodden un radiant et tire. Rodden esquive et abat son agresseur. Une autopsie révèle qu'il s'agit d'un robot à l'image du mutant. Le véritable Lloyd revient au camp épuisé. Il avait été capturé par des robots. Il aperçut 2 gammes d'ondes cérébrales, une envie de jeu infantile et une haine intense. Rodden investit la base des robots, mais l'exploration n'apporte aucun indice supplémentaire sur l'immortel. De retour à bord de l'Astrée 2, des télékinésistes inconnus baladent une bombe arconide à travers le vaisseau. Au moment où ils relâchent leur emprise, le mutant télékinésiste Tama Yokida la rattrape et Rodden et Taku Kakuta peuvent la ramener à l'arsenal. La nuit, Lloyd donne l'alerte. Il capte des ondes de haine qui s'approchent. Des sphères volantes foncent vers le camp. Les terriens les abattent rapidement. Les ondes de haine s'effacent progressivement à la destruction de chaque engin. Les robots en étaient donc la source. À l'aube, les mystérieux télékinésistes sont identifiés. les petits mulots castors. La journée, ils possèdent une certaine intelligence et la perdent la nuit. Dans un dortoir pour mulots, les terriens trouvent un nouvel indice dans leur quête. Il s'agit d'une représentation de la galaxie avec la position de la planète de Jouvence. Les fascicules allemands numéro 18 et 19, écrits par Clark Dalton et K.H. Scheer, parus en 1962, apparaissent dans le volume français numéro 9, Le traître de Taglun, paru chez Fleuve Noir en 1967. Première partie, une recrue de choix pour la milice. Sur Perdita, après avoir obtenu la position galactique de la planète de Jouvence, l'Astrée 2 décolle en direction du système de Vega, mais un mulot castor, passager clandestin, tout à sa joie, décide de jouer. Les conséquences sont immédiates. Barry Rodden voit les coordonnées de plongée se modifier à l'instant du saut. Après la découverte du mulot, celui-ci est adopté par l'équipage et baptisé l'Amirette. Le vaisseau arrive près de la planète Toglen, une colonie arcanide où le dynaste Alb aspire à l'indépendance. Les Terriens décident de se faire passer pour des arcanides. Alb, catastrophé d'apprendre la présence d'un croiseur arcanide, annonce à son frère Daros qu'il sera accusé à sa place d'être le meneur de la résistance Tuglan. Alb réussit à confondre son frère aux yeux des Terriens, qui décident de l'emprisonner à bord du vaisseau, mais sur le chemin, un simulacre de libération convainc les membres de la délégation de l'innocence du jeune homme. Ils sont emprisonnés. Les Mirettes, au cours d'une promenade en ville où il peut enfin jouer, fait connaissance avec les Justes, un mouvement de résistance. Crest, grâce au talent de John Marshall, confond le dynaste, mais celui-ci les fait prisonniers. Bull et le mutant Wuryu Sangu découvrent les prisonniers et donnent l'alerte. Bull décide d'intervenir en force. Au même moment, la population se soulève et les Justes les rejoignent avec les Mirettes. Grâce à lui, les insurgés pénètrent dans le palais du dynaste. En ultime recours, Alb décide d'utiliser les otages comme moyen de pression pour s'échapper. Les Mirettes interviennent et le dynaste trouve la mort. Daros devient le nouveau dynaste à la grande joie du peuple des 8 planètes. L'Astrée 2 prend enfin la direction de Vega. Deuxième partie, l'immortel. Le mulot castor Lémirette décide qu'à partir de cet instant, il devient l'émir, lieutenant à la milice des mutants. Catastrophé, Perry Rodden constate que Vega est en train de se transformer en Nova. Le temps presse pour retrouver la planète de Jouvence. Pour émerger le plus près possible de celle-ci, l'Astrée 2 doit plonger à partir de certaines coordonnées. De violentes secousses menacent le vaisseau sitôt que celui-ci est arrivé. Sur une réflexion de Bull, Perry Rodden décide de supprimer l'écran gravitif protégeant le vaisseau. Les secousses disparaissent. L'Astrée 2 s'approche de la planète de Jouvence qui se révèle être un monde artificiel. Un gigantesque disque surmonté d'un écran énergétique. Le vaisseau atterrit près d'une colline, copie conforme des Black Hills dans le nord du Dakota, où à ses pieds se déroule le combat entre les Sioux et les cavaliers du général Custer. Plus tard, ils atterrissent sur une place d'une métropole. Avec 20 hommes, Perry Rodden se dirige vers la ville. Enfin, il rencontre l'immortel. Crest s'approche de l'être, mais il est brutalement rejeté aux pieds de Tora. L'immortel annonce que les Arcanides ont, dans le passé, laissé passer leur chance et qu'ils doivent abandonner tout espoir de découvrir le secret de la régénération cellulaire. Il s'adresse à Perry Rodden et lui offre une immortalité relative de 62 ans, par l'intermédiaire d'une douche cellulaire. Perry Rodden désigne d'autres personnes pouvant accéder à la douche. Plus tard, après avoir quitté ce monde baptisé Délos, l'Astrée 2 refait surface dans le système de Vega, où le Soleil a repris ses dimensions normales. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté les résumés du cycle 1, des fascicules 10 à 19, des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Benereux. Vous pouvez le retrouver à rodden.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons, Sharealike, et est une production 2013 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canablog.com. Merci de votre attention et à bientôt.